Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter. Mada yanqimoun min al-Sheikh Yahya al-Hadouri. Aïe, la traduction, que reproche-t-il à Sheikh Yahya al-Hadouri? Waffaq Allah al-Jami'a. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadat. Wa al-qasd, c'est diffa' an al-haq. Al-qasd, c'est pas de taqlid, abadan. Si le Sheikh s'est trompé, il s'est trompé. Et on dira, il s'est trompé. On est venu dans ce maqam pour apprendre l'ilm. On n'est pas venu dans ce maqam pour suivre Fulan ou Allah. Un cours donné par le frère Mounir al-Maghribi, hafidahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat Bidammaj au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والأقربين الآية وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ففي هذه الآيات أمر الله عز وجل بالعدل مع القريب والبعيد ومع الكبير والصغير ونهى سبحانه وتعالى عن الظلم في الأقوال والأفعال وخاصة فيما يتعلق بحقوق الآخرين وخاصة فيما يتعلق بحقوق الآخرين أي حقوق الناس. قال الله سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Enfin, la personne, il doit être juste. Ma'a man wafaqa wa ma'a man khalafa. Daiman, toujours la justice, al-haq. Hatta ma'a al-a'da. Hatta ma'a man khalafak. La justice, la personne, il doit être juste. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yansur man nasara. In tansurullah yansurkum. Wallah subhanahu wa ta'ala la yansur. الظالم. وفي هذه الأيام ظهرت وقامت شلة من المفتونين الظالمين الذين ما وفقوا للعدل في نقل الأقوال وفي الردود وفي النصائح، بل كثير من كلام هؤلاء فيه بتر، أي il y a des coupures. Il y a des ahkam qui ne correspondent pas au kalam. Et le qasd de ces gens est de faire cette da'wah. Et cette hadith al-salafiyya bidammaj harrasaha Allah min kulli su'i wa makruh. وإسقاط الشيخ هذه الدار خليفة الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، أي الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، الذي قال فيه الإمام الوادعي رحمه الله، قال أي الشيخ مقبل والشيخ يحيى حفظه الله في غاية من التحري والتقى والزهد والورع وخشية الله، وهو قوال بالحق لا يخاف بالله لومة لائم، وهو حفظه الله قائم بالنيابة عني في دروس دار الحديث بدماج يلقيها على أحسن ما يرى. هذا الكلام من مقدمة أحكام الجمعة وبدعها لشيخنا حفظه الله. تنبيه: الكلام الذي سيذكر في هذه الدروس لابد أن يعلم أن الناس في مثل هذه المسائل ما هم بسواء. الناس في فهم هذه المسائل وفي ضبطها ليسوا في مستوى واحد. أي on précise avant de lire le kalam أن les personnes ne sont pas au même niveau. أبدا. ففي مثل هذه الفتن، وتعلمون أن الكلام الذي ينشر كثير والمحققون قليل، فلا بد أن طالب العلم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يميز ويتكلم مع الناس يعني بقدر مستوى هؤلاء. فمثلا في هذه المسائل التي تنشر في ذم شيخنا وفقه الله تعالى لكل خير، الناس سو أقصى الآن dans les sujets qu'on lit, qu'on va lire, qu'on a lu, les accusations sur Cheikh Hafidahullah, les gens ne sont pas tous au même niveau. مثلا tu vas avoir un qus, la première catégorie c'est des hussad حاقد قصده سطعن و إسقاط هذا الخير هذه الدعوة. فهؤلاء كعرفات الكذاب الأشر عليه من الله ما يستحق. Ça c'est une catégorie. Hizbiyoun, ils veulent faire du mal à la da'wah. Leur but, c'est pas an-nasiha, le conseil. Leur but, c'est pas l'islah, réformer les choses. Abadan. Leur but, c'est ta'an. Ce qui les pousse à hada, kathir min haoula, ce qui les pousse, c'est la jalousie. Al-hasad. Al-qismu thani, la deuxième catégorie, al-jahl. الذي ما عنده القدرة على فهم هذه المسائل أو بعضها. فجاهل ثاني يقول il n'a pas la capacité de comprendre certaines choses. Il n'a pas la capacité de discerner entre le haq et le batil. Le vrai et le faux, il n'a pas les outils nécessaires. Il n'a pas l'ilm qu'il faut. فمثل هذا et ils sont كثير في الفتن. هؤلاء في الحقيقة حطب الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى يهدي المسلمين. فمثل هؤلاء la personne il a du rifq بهم. Il a de la douceur, il leur montre. الناس جاهل. ربما il croit que ces mensonges c'est حق. ربما il a pas compris la مسألة. Et il se précipite. Et il a des conclusions بعيدة. فهؤلاء يعلمون. وطالب علم يصبر معهم في leur montre برفق. إن قبل فالحمد لله وسي لا دي شبه أي لا غيف باكم خط فادعوا الله له فالدعاء بغلي ولا يضرك أبدا يتفقع أكام مال بإذن الله. الثالث القسم الثالث من هو على علم يلي على علم ربما سان سافون ربما سان شيخ ربما سان داعي إلى الله ربما سان طالب علم إلي على علم إلى لا كومبيتونس لكن قد يجالس أو يقرأ كلام بعض المفتونين فيتأثر. وتعلمون أن الإنسان اللي با معصوم quel que soit son niveau. Il n'est pas infaillible. Abadan. Fahada, al-qism, al-asli li ala khayr. Lakin, il peut fréquenter une personne. Khassatan, la première catégorie qu'on a donnée, yaqoumoun bi tahrij shadid. Leur but, kadhalik, c'est de diviser à la sunna. Faroubama, il va voir Cheikh Fulan. Et il coupe des paroles, il rajoute, il ment. Faroubama, ce Cheikh yata'athar. Naam. Fa, la position du talib ilm, fi hadha al-hal, as-sabr, yasbir. Et il montre le haqq. Il montre le haqq, ou yasbir, et il fait du'a. عَسَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يجد ce شيخ أو ce savant أو ce طالب علم ce طالب علم أو ce شيخ أو ce savant qu'a mal compris la مسألة إما il a pas eu le temps d'étudier إما لَبَّسُوا عَلَيْهِ ils lui ont donné une image de l'affaire كَأَنَّهُ c'est simple et c'est évident فهو il pense que c'est évident وَرُبَّمَا يَتَكَلَّمْ عَلَى هَذَا الْمَبْدَى et il se trompe. فمثل هؤلاء كذلك نصبر on montre le haq et on répond s'ils se trompent on montre l'erreur et on fait dua pour eux qu'Allah il les guide azza wa jal. والمهم هنا نحن vous a cité ces trois catégories pour montrer أن كلامنا الآن le kalam qu'on va citer via هذه الدروس و الردود et les répliques qu'on va faire à ces accusations, c'est sur la première catégorie. Ka'arafat, c'est lui qui a propagé, c'est lui qui a écrit. Fa, al-kalam, il est fimit l'ha'oula. Fimit l'ha'oula, al-hizbiyin, al-hasidi. Nous, on a cité ça, la personne, il ne comprend pas notre kalam, on vise voulan. Ou il parle sur shir foulan. Abadan. On montre al-haq, on répond aux erreurs. Et nous, maintenant, on parle à la sinf, la première catégorie. Amma al-jahl, c'est un miskin, il ne sait pas. Kadalik, le savant, ou le shir, ou ce talib ilm, qui n'a pas compris, ils lui ont menti. Hada, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide. Lakin, l'erreur, on a rudd ala al-khata, nous. Ça, c'est la bout. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان فمن رأى منكم منكرا فليغيره on est obligé d'enlever ce منكر et ces mensonges tant qu'on peut et celui qui écoute et il prend le haq c'est les nafs c'est pour lui et celui يعرض et il s'entête et il prend même pas la peine d'étudier ces masa'il, fa c'est alay. Nahnu wallah, si les gens ils écoutent ou ils écoutent pas, fa en haqiqa ça nous diminue rien. La chaque anna si t'es la cause de la guidée d'une personne, t'as la récompense. Lakin ça c'est pas ilayna. Qala azza wa jal innaka la tahdi man ahbab. Walakin Allah yahdi man yasha. Fahada. Fanahnu quand on cite ce kalam, on fait ses répliques, c'est pas pour par peur de foulan. On fait que ça, c'est montrer le haq et on avance bi'idnillah azza wa jalla. Hada la bud min hada at-tanbih qabl qira'at hada al-kalam hatta la yaqul haqi li anna ba'd an-nas yajidu hasad shadid. Et ça c'est une faïda pour toi ayouha at-talib. Tu dois faire attention à qui tu parles. Comment tu parles? Hatta ba'd an-nas ils prennent pas ton kalam et ils s'en servent pour combattre ta propre da'wa. Il a dit, il a qu'à là. Si tu peux montrer ton cause, montre. Hatta tu fermes la porte à Wa'ad al-Nas. Dana Wa'ad al-Nas, il ne sait pas de ton lab'ilm. Fa, rubbama, il s'occupe que de ces choses. Il a dit, il n'a pas dit, on a entendu. Fa, bi'idnillah, avec ce muqaddima wadiha, on ferme les portes à ha'oula. Et Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam al-niyat. Na'am. Fa, qama ha'oula. Des anciens tullab qui étaient ici, alladhina tahazzabu wa fatanu wa qalqalu wa hajaru, haula, quand ils sont sortis min ad-dar, leur objectif, wallahu al-musta'an, c'était pas le nusr, comme ça yati, c'était pas le nasiha, yani al-nasiha ala une tariqa, الدين النصيحة. C'est pas la vengeance à vouloir faire tomber Fulan. لا. النصيحة معروفة. القصد الإصلاح. L'objectif c'est corriger. L'objectif c'est s'il y a une faute la montrer, mettre en garde. أما هؤلاء فتستروا بأسماء مجهولة. Ils ont commencé à écrire des choses. أولاً بأسماء مجهولة. Et ça c'est pas طريقة السلف أبداً. طريقة السلف أن la personne يرد ويتكلم بحق باسمه. هذا لأن القصة النصيحة. أما se cacher derrière des noms, des pseudonymes que personne connaît, هذا c'est pas من طريقة السلف. فقام هؤلاء يسبون ويطعنون ويبدعون ويجمعون بعض الأقوال أي في شيخنا. Ils ont rassemblé des أقوال يزعمون أنها أصول خالفها الحجوري كما يقولون ثم نشروها في أوساط الناس وقصدهم كما تعلمون التحريش. هذا القصد كما سيأتي بيانه. قصدهم التحريش بين علماء السنة ودعاتها وإسقاط هذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة في هذا المكان في دار الحديث بدمج. وقبل أن نذكر هذه الأمور بالتفصيل أي سكي غبخش الشيخ يحيى حفظه الله, اعلم أولا أن ما ذكروه ليس المقصود منه النصح كما نادي. لوبجيكتيف سيتي با النصيحه. قد يقول قائل فما يدرك كومو فو سافي فو بريتوندي ان سيت شوز او سي ردود كيز اون اكري او سي سوا ديزون زيرور كيز اون بروباجي. لو بوت سيتي با النصيحه لله ولعباده المؤمنين. الجواب ان هذه المسائل أكثرها كما سيأتي سد مسائل قديمة, سد مسائل كأبو الحسن il avait cité أي pour répondre à الشيخ. كذلك أصحاب فالح شبكة الأثري ils ont propagé ces choses كذلك. فسي le but c'était une nasiha. لماذا attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, أكثر 9 ans ربما pour répondre. فالنصيحة, si tu connais une erreur, tu sais qu'une personne s'est égarée, لابد البيان. وإلا كيف يتركون الحجوري يضل الناس. Ça c'est pas من النصيحة لعباد الله. Des milliers de طلاب, des milliers de visiteurs, et Cheikh Yahya il propage ses soi-disant erreurs. Falimada vous montrez pas ouluf comme ta'lamoun min talabat al-'ilm ya'ti miskin huwa ma yadri khasatan à l'époque ma yadri huwa qu'est-ce qui se passe. Fa celui qui a une nasiha à faire il doit la faire en public et il montre les erreurs. Hatta s'il y a vraiment des erreurs, fa la personne y est tenu. أما هؤلاء, ils ont attendu زمن أبي الحسن, il a sorti ses erreurs, soi-disant. ثم أصحاب فالح, فالح العربي, الحدادية. ثم, il y a une période avant cette fitna. Normalement, si un cheikh il aurait vraiment ses erreurs, فلا بد من البيان. أما qu'est-ce qui se passait hum? Et c'est le deuxième point pour vous montrer أن المراد سيتي با النصيحة. أن لما تكلم الشيخ حفظه الله في رأس الحزب, quand الشيخ il a parlé sur leur guide la tête du حزب, فقاموا. Ça c'est pas une nasiha لله. لأن normalement s'il y a une erreur que الشيخ il est d'accord avec toi ou contre toi, tu dois montrer l'erreur. C'est ça المقصود من النصيحة, c'est التجرد والإنصاف. أما t'as parlé sur mon شيخ, je parle sur toi. Tu te tais, je me tais. قاعدة الإخوان. يعذر بعضنا بعضا أو نجتمع بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم هذا لابد أن يفهم. نحن نسيت مقدمة avant de répondre aux accusations أن المراد من البداية c'était pas النصيحة c'était pas الحق. فلهذا القوم تخبطوا جدا. أما الشيخ حفظه الله il a parlé sur العدني في بداية الأمر Al-Adani n'avait jamais parlé sur Hichir. Ça montre que ce n'est pas une vengeance ou des choses personnelles comme Ba'dan Nasi prétendent. Abadan. Abadan. Le Cheikh il a parlé sur Abdurrahman et il savait très bien ce que ça pouvait impliquer. Là qu'il est nasiha. Il ne peut pas laisser des milliers de tollab. Il ne peut pas laisser le nasiha d'arroun bi rajul qui a fait une fitna. Fitna azima. Celui qui l'a vécu. Al-Navi bidayat l'amr. Al-Rajul. Al-Adani, il a le projet de construire un marquez. Ah oui, ils lui ont promis de lui construire un marquez Ba'dan-Nas pour faire da'wa dans le sud, c'est Aden, Khassa. Fa qama bi at-tasjil. Et ça, c'est une fitna azima. Comme a dit le Cheikh ou غيره, أنه aucun marquez, mais le marquez de Sunna du Yémen, il a été fondé sur un tasjil. At-tasjil ay. Al-Rajul, il vient à Dammaj, ou il est à Dammaj, et il enregistre le nom de ceux qui veulent yani, aller dans ce marquez. Ce n'est pas Mila Adam avec le Cheikh. Ce marquez, il a un Cheikh. Cheikh Ola Yahya, le Cheikh Mokbil, il l'a désigné successeur après lui. Ce n'est pas Mila Adam. Ben, ça fait la division. Je te propose une terre à temps. Délaisse ce marquez, vient dans l'autre, il va être mieux, il y aura plus de doros. Khalas, ça commence à faire une fitna entre Tollab, et c'est ce qui s'est passé. Foulan, il commence à pas être d'accord avec Foulan. Celui qui n'est pas d'accord avec eux, Al-Hajj, est-ce que c'est mina sunna? Abadan. Abadan. Ben, si un marquez doit être fondé, on s'entraide tous. Pas besoin d'enregistrer, fais ton marquez, et celui qui veut aller ici ou là-bas, Al-Amr, il est sahl. Ahada. هذه الحقائق لابد أن تعلم. أما بعض الجهال يفين يغول dans cette فتنة ولا يدري qu'est-ce qui s'est passé au départ. Il connaît pas c'est quoi le قصد. Il vient à la fin et sans étudier le sujet il juge فلان سان حزبي فلان سان حدادي فلان سان غاري تقليدا والله. Si tu lui demandes un dalil على ما يقول فتu verras que ما عنده إلا فلان قال وفلان قال. ثانيا أو ثالثا أمر مهم كذلك أن كثير من هذه الأمور المنتقدة على الشيخ حفظه الله وأعزه الله قد قالها أو قد قال بها أئمة وعلماء. Ces choses الآن qu'on va étudier, ces accusations, vous allez voir que beaucoup de ces accusations des أئمة, ils ont dit le même كلام que الشيخ. فالإنصاف والعدل. Normalement, si tu rates à la chir, tu rates à la kul bihadal kalam. Si tu mets en garde ton chir, tu mets en garde tous ceux qui disent ce kalam. Lakin la. Et on verra en détail des exemples. Khod matalan bid'at al-adhan yom al-jumu'ah. Naam. Fa kama sayati shaykhuna ila dis une bid'ah. Fa ba'd an-nas qamu al-an. Alors que le kalam, il date au Rubama de plus de 13 ans. Rubama. Plus de 10 ans. Cheikh Mokbil est encore vivant, rahimahullah. Abad al-Nas qamu. Et ils ont dit, hada c'est ta'an fi Uthman, radiyallahu anhu, wa hada. Wa abadan. Cheikhuna, habidahullah, quand il a dit, anna ce adan, c'est une bid'a, awalan, il a des salafs. Ibn Umar, ou Ibn Hazm. Wa des a'imma qui ont dit hada al-kalam. Wa minhum. الشيخ مقبل رحمه الله. Est-ce que هؤلاء quand ils ont dit c'est une bid'a ils prétendent que Uthman c'est un mubtadi'? Abadan. Abadan. Uthman c'est un mujtahid, c'est un sahabi, c'est un khalifa. Personne n'ose dire min ahl sunnah annahu c'est un mubtadi' ou il a fait une bid'a. Abadan. Lakin ijtahada et son ijtihad il s'est trompé radiyallahu anhu fa il a l'ajr. Alors on revient à notre sujet. أن لو كلام الشيخ مقبل الذي لكنهم إذا تكشف يحيى ثانيا Thaniyan, le kalam que Cheikh Yahya il a dit, il est Kitab al-Jumu'ah. Ahkam al-Jumu'ah. Celui qui a fait la préface, c'est Cheikh Mokbil. Tout ça, ça montre que le qasd, ce n'est pas le nusr. لأن النصح أو تنصح نعم المخطئ كي كسوى سلاس خطأ كبير أو صغير عالم أو جاهل ينصح أما on a remarqué et d'autres ils ont remarqué أن في هذه المسائل il y a eu un manque d'insaf et de adl عجيب لهذا il y a pas beaucoup de baraka في كلام هؤلاء المفتونين فهذا فتوت ces accusations أنت اعلم أن السبب سالكلام كلام الشيخ في رأس الحزب في العدن لأن entre ces erreurs et la fitna il y a eu des années et il n'y avait pas de كلام ويعلمون لأن كثير من هؤلاء زيت على دماغ كثير من هؤلاء مثلا أحكام الجمعة وبدعها سليفر كثير من هؤلاء سليفر مشهور منشور خاصة في دماغ فإيه savait très bien لكن pourquoi tu parles pas et tu réponds pas c'est qu'il y a quelque chose quand Cheikh il a parlé ils ont attendu un peu et ça montre que c'est pas le nusr si tu veux pas que tout le monde le sache t'envoies une lettre à Cheikh entre toi et lui et tu le nusr t'as des milliers de tullab ce que tu dis c'est grave si c'est haq لكن ما حصل هذا أبدا فنحن في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نقرأ هذه المسائل المنتقدة على الشيخ وفقه الله والقصد c'est الدفاع عن الحق القصد c'est pas التقليد أبدا si الشيخ il s'est trompé il s'est trompé et on dira il s'est trompé ما في شيء أبدا نحن والله الحمد لله من أهل السنة On est venu dans ce maqam pour apprendre l'ilm. On n'est pas venu dans ce maqam pour suivre Fulan ou Allah. Enfin, si le kalam il est en concordance avec Aqwal al-Salaf et Al-Qur'an, qabla dhalik wa sunnah, فهذا الكلام ينصر. Et on dit, c'est haq. Et si c'est un kalam qui contredit Al-Qur'an et Al-Sunnah, فيكسر. Et on dit, c'est une mukhalafa. C'est ça, Al-Sunni. فنحن الآن, c'est pas une défense totale qu'on va faire à Sheikh, Abadan. C'est on étudie les masaïl. Si ils ont menti sur Cheikh, on dit c'est des menteurs. Et Cheikh, il a raison, Vihada. Si il s'est trompé, il s'est trompé. Hada. Ma'ad al-Nas, il rentre dans un masaïl, il ne connaît pas. Wallahi, Ma'ad al-Nas, anahum, il critique. Tu lui demandes, ta critique, elle est fondée sur quoi? Ma yadri. Khasatan al-Juhad. Ma yadri. Il prend position. C'est un haddadi, c'est un égaré, c'est des égarés, il ne faut pas aller dans cet endroit. Ça, ce n'est pas l'adl ou l'insaf. Et la personne, il sera jugé yawm al-qiyam. Amma sunni, talib al-ilm. Il étudie ce masail. Hatu. Comme a dit Azza wa Jal, qu'il hatu burhanakum, in kuntum sadiqin. Et on étudie. Si c'est haq, on prend. Si ce n'est pas haq, on rejette. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. C'est ça l'insaf. لكن on est dans un zaman صراحة أن الإنصاف لقليل beaucoup de ces choses qui se passent c'est de la vengeance c'est دفاع عن النفس c'est je veux montrer que j'ai raison c'est ça qui amplifie les fitan et qui propage les fitan كذلك القصد من هذا الكلام من هذه الدراسة C'est tatbiq qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ansur akhak zaliman aw madhluma ansur akhak zaliman aw madhluma fasil zalim ay s'est trompé ansur on lui montre ses erreurs qu'il fasse tawba et qu'il revienne ala al-haq c'est ça le but c'est la nafrah une personne khassatan shaykh min mashayikh as-sunnah il s'égare la nafrah on fera tout ce qui est légiféré pour le conseiller et il revient à l'al-haq. Il y en a perdu un frère, un ami, la tafrah. Ma balouk, un savant, un sheikh, un da'i ilallah. Et si les madlons, ils ont été injustes envers lui, on montre qu'Anahoum c'est des menteurs. On montre qu'Anahoum il a été opprimé, qu'Anahoum il n'a jamais dit ce kalam. On ansura. Dans les deux cas, on doit appliquer hadal hadith. Ansur akhak, zaliman ou madlouma. Ou asmeyna hadhi l'kalima. ماذا ينقمون من الشيخ يحيى الحجوري أي la traduction, que reproche-t-il à Cheikh Yahya Al-Hadouri? وفق الله الجميع نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والآن نبدأ بالتفصيل on cite une accusation, une mas'ala ثم on l'étudie avec le kitab wa sunnah et بإذن الله on conclut est-ce que cette accusation elle est بحق ام بباطل المسألة الأولى يزعمون أن الشيخ وفقه الله يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التهمة شديدة تعلمون أن أهل السنة بل المؤمنون يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما شرعيا إزام الرسول ceux qui détestent le Rasoul ou ceux qui se moquent du Rasoul ou ceux qui accusent le Rasoul du Shay. فعقيدة السنة معروفة معروفة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فأهل السنة يلسوا فيه ويؤمنون به فهم بعض الناس يزعمون أن الشيخ وفقه الله يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أو استدلوا على هذه التهمة بقول الشيخ يحيى وفقه الله قال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض المسائل لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون توفيقا وما اكسبليكيته سأل الآن نقرأ قال في السنة توقيفية وتوفيقية أما على التوقيف على دليل يأمره الله بذلك وأما على التوفيق التوقيف لدوزيام التوفيق قال أما على التوفيق يقره الوحي على ذلك وما كان مخطئا في ذلك هذا الشاهد وما كان مخطئا في ذلك فالقوم يزون دي أن الشيخ يلاكوز النبي صلى الله عليه وسلم دو سو ترومبي وما كان مخطئا في ذلك أي في هذا الاجتهاد قال ينزل الوحي في أسرع وقت في بيان ذلك الغلط ومن ذلك سيت ان اكزامبل حفظه الله قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى الآيات هذا الكلام من أسئلة الإخوان إخوان من بلد حضرموت هذا الكلام قاله الشيخ بنص أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد Et ça, c'est une mas'ala muhimma. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire des choses par ijtihad? Aïe, il fait un effort. Aïe, le wahi n'est pas descendu. Et il ijtihad. Qala al-shaykh, na'am, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana ijtihad. Kadhalik, ce qui est important huna, et on va y revoir ça en détail, anna al-sunnah, comme a qala al-shaykh, il y a deux catégories. Tawqifiyya, une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il fait après avoir reçu la révélation. Jibril alayhi salam il descend et il informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une chose. Imma verset min al-Qur'an al-Karim, imma une sunnah. Ça s'appelle la sunnah at-tawqifiyya. Aïe, c'est bi tawqif. Bi dalil. Qala wa tawfiqiyya. التوفيق أي النبي صلى الله عليه وسلم كيف فكر كشوف ثم الوحيد يسون أبخ فتأمل الفرق توقيفية للدليل يسون أبخ توفيقية للدليل يسون أبخ لدون سين دليل لدون من السنة لكن الشيخ إلى فصل هذا pour montrer أن la deuxième أي توفيقية قد يفعل شيء Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire quelque chose. Tumma le wahi descend, il lui montre qu'il doit faire quelque chose d'autre. Et il a cité l'exemple Abasa wa tawalla. Kadhalik, on verra plusieurs exemples. Asra Badr, la permission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à Ba'd al-Nas fi Ghazwat Tabuk. Tout ça, le wahi descend après et il montre au prophète sallallahu alayhi wa sallam يعني الحق في ذلك المسألة هذا مفهوم الآن الآن هؤلاء ils ont reproché à Shir de prétendre أن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم et ils ont dit c'est un طعن في النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ils n'ont pas étudié المسألة فنقول أولا كما تقدم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لمعروفة عند جميع أهل السنة فضلا عن أهل العلم أولا نحن نسي أن أهل السنة يوقرون ويعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما شرعيا والشيخ حفظه الله تعلمون أنه صفي حفظه الله إلا كونسكري السنة فيدرس السنة ليل نهار ceux qui attaquent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou ils attaquent ses compagnons comme ça yati ou ils critiquent chez min as-sunna fa ash-shaykh hafidhahu Allah yarud alayhim bima yastati' fa la yashuk celui qui connaît ash-shaykh annahu yuhib ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa yuhib as-sunna fa kam combien de sacrifices il fait rubbama pour appliquer un hadith. Et son école, c'est un dalil à la hala. Annaha, il tabaka sunna tant qu'il peut. Bel, tous les problèmes qu'ils ont, que ce soit de la part de Rawafid ou de la part de Ahl al-Bida', illa c'est pour ce tatbiq de hadith sunna. Là, les dunya, c'est pas pour dunya. Ils ont pas de dunya. C'est pas pour une place, c'est pas pour une affaire personnelle, abadan. Illa min ajl hadith din. Wal mar, yubtala ala qadr dinihi, comme a dit alayhi salatu salam. Thaniyan, on doit comprendre deux masaïl muhim. Labut an nafham fi hadi la masala amray. Avant de détailler plus dans l'Europe, awalan deux choses. Première chose, al-amru al-awwal jawaz wuqu' sagha'ir adh-dhunub min al-anbiya ghayr adh-dhamima. Ça, c'est la première mas'ala. Aïe, al-anbiya ou al-rusul, ils ne sont pas préservés des petits péchés. Sauf un péché qui fait du mal à la révélation. Kal-kadhib, le mensonge, ils sont préservés. Kal-khiyana, aïe, yani, al-khiyana ma'roufa, aïe, la trahison. Enfin, ils sont préservés de hada. Tout ce qui touche au wahi, ils sont préservés. Amma as-sagha'ir, les petits dhunoub, ils ne sont pas préservés. Alayhim as-salat wa salam. Et hada, ce n'est pas un aqs ou un ta'n fil l'anbiya wa rusul. Abadan. Ça a dit kalam ahl al-ilm, wadih. Lakin ba'd al-nas. Et antum, vous devez savoir hada, anna ba'd al-nas, fi hadi al-masail, yadduka. Imma c'est un jahil. Il va parler de choses, là Yadri. Matalan, il va accuser que celui qui dit que les prophètes ils peuvent faire des petits péchés, il y a ta'am fil anbiya. On va voir qu'il y a ijma'a fil mas'ala. C'est un jahal, ma Yadri, qu'est-ce qu'il dit. Ou, dès que je dis ijma'a, qawl akthar ahl al-ilm plutôt. Ou, c'est une personne, il connaît le haq, lakin il a un mauvais qasd. Et c'est ha'oula qu'on a cité, nahnou. هؤلاء يكون اسم الحق طلب العلم لكن يعني القصد سيدسي تروفي ان ايرور لعل فلان يتم يا اخي celui qui élève et celui qui égare c'est Allah عز وجل والله tu peux chercher ليل نهار si Allah يوفق la personne ce que tu cherches et tu trouves et tu propages ça se retournera contre toi اليوم او غدا او بعد غد. فلا بخوني مسألة جواز وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء غير الذميمة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله صاحب فتح المجيد الإمام قال وأما قولهم في عصمة الأنبياء Al-An, c'est quoi le qawl sahih fi ismat al-anbiya? Est-ce que les prophètes ils sont infaillibles de tout péché ou les grands péchés faqab ou les petits péchés? Qala rahimahullah fa alladhi alayhi al-muhaqqiqun ay min ahl al-ilm annahu qad taqa minhum as-sagha'ir. Ils sont pas préservés d'un petit péché. Lakin comme on a dit bi shart annahu ifa'u kama al-wahy. Deuxième شرط كما سيأتي قال لكن لا يقرون عليه لكن لا يقرون عليه. فالدوزيام شوز ان سو بيتي بيشي لو وحي descend et il est corrigé. Il peut pas continuer à le faire ابدا ابدا. فدوز شوز c'est les petits péchés, c'est pas les grands. كذلك les petits péchés, une chose qui fait pas de mal à la révélation. كذلك ce péché, il y a un verset qui descend, ou le wahi, et cette faute, elle est corrigée. Qala Cheikh Abdurrahman, wa amma al-kaba'ir, fa la taqa' minha. Amma al-kaba'ir, la. Kaba'ir al-dhunub, ils sont préservés. Wa qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, kalam Cheikh Abdurrahman, mawjoud fi d-durar al-saniyya, المجلد الحادي عشر فوليوم 11 باج 509 من الدرر السنية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر العلماء, قول أكثر أهل العلم أن الأنبياء ils sont préservés des grands péchés, أما les petits péchés فلا, avec les conditions qu'on a données. قال قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف. نعم تعلم كيف خالف في هذا؟ ceux qui disent أن الأنبياء ils sont infaillibles dans tout, même les petits péchés ils ne les font pas, بل ils ont exagéré حتى oublier, ils ne peuvent pas oublier, se tromper, ils ne peuvent pas se tromper. C'est الروافض الإسماعيلية, c'est الروافض qu'ils ont ce قول. أما أهل السنة أبدا, أهل السنة كما قال شيخ الإسلام يعتقدون العصمة للأنبياء, العصمة من الكبائر, أما الصغائر فقد تقع. قال وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء. نعم قول عامة أهل العلم, ولم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. نعم فسموت خلنا شيخ الإسلام الآن يشير إلى الإجماع, إجماع السلف, أي لا يعلم إلا هذا عن السلف. قال إلا ما يوافق هذا القول, وإنما وقع هذا القول أي عدم وقوع خطأ مطلقا. أي des personnes ils ont prétendu أن le prophète ou les prophètes, les messagers, ils peuvent faire aucune faute, حتى l'oubli, ils oublient pas. قال في العصر المتقدم عن الرافضة. Ça c'est قول الروافض. الآن on va voir, après avoir étudié ces masail, أن القوم, ceux qu'ils ont reproché à الشيخ, كأن مبدأهم, c'est هذا. On dirait qu'ils ont une عقيدة أن الرسول, il ne peut pas se tromper. فسيز غمص عقيدة ننصحهم بالتوبة. أي غبينا أقوال السلف. أما هذا القول سيقول الروافض الضلال. قال ثم عن بعض المعتزلة كذلك. المعتزلة كذلك إذن. Ils ont, certains d'entre eux, ils ont choisi ce qawl. ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين. كذلك, des personnes qui sont venues après le salaf, ils ont dit ce qawl. لكن, تأمل, أن عامة العلماء, السلف والتابعين, ومن جاء بعدهم, قالوا, يعني بالعصمة من الكبائر دون الصغائر. وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين. فهذا فأنت قول عامة أهل العلم, قول جمهور العلماء سي بلو بريسي كو الإجماع, لأن الإجماع شيخ الإسلام نقل أن بعض الناس يخالف من المتأخرين. فأنت قول عامة أهل العلم, قول جمهور العلماء, قال أنهم غير معصومين, غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها. نعم أما الاستمرار لا, il peut faire une erreur, ثم الوحي descend et il délaisse cette erreur. C'est ça عقيدة أهل السنة. Ça c'est la première مسألة. Inch'Allah elle est comprise. On la résume. أن الأنبياء والمرسلون أن الأنبياء والمرسلين ils sont pas préservés de faire une erreur, un petit péché. Ça fait sortir les grands péchés, ils sont préservés, ils sont infaillibles. كذلك ça fait sortir les choses qui touchent à la révélation. Abadan, ils sont préservés minada. كذلك al-iqrar wa al-istimrar. Là, un verset il descend, ou le wahy descend et il délaisse cette chose. Ça c'est le premier point. Deuxième point, al-amr al-thani. وقوع الاجتهاد من الأنبياء. Ça suit la première مسألة. Est-ce que un nabi il peut faire l'ijtihad? Ou l'ijtihad ma'rouf. L'ijtihad ma'rouf, c'est que tu fais un effort, la personne il fait un effort et il fait une chose. Est-ce que cette chose elle va être en concordance avec le wahi ou la? Enfin, est-ce que l'anbiya il peut faire ce ijtihad? Enfin, l'ijtihad, ce ijtihad il peut être sawab. Le wahi il appuie cette chose. Ce ijtihad il peut être khata. Le wahi descend et il corrige. قال الإمام عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله. Cheikh Ibn Baz va répondre là. قال والراجح إلى سيدست مسألة والخلاف. قال والراجح أنه وقع الاجتهاد منه مطلقا حتى بالعبادات. Cheikh Ibn Baz يرجح هذا القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يبجتهد إلى اجتهد من في العبادة في أمر الدنيا واضح في أمور الدنيا قصة النخل مع الصحابة quand ils lui ont demandé son avis عليه الصلاة والسلام il a cité son avis ثم il a dit أنتم أعلم بأمور دنياكم ça c'est واضح يجتهد في أمور الدنيا في بعض المسائل في العبادات كذلك ça peut arriver et c'est arrivé قال الشيخ بن باز والراجح أنه وقع الاجتهاد منهم مطلقا أي في أمور الدنيا والدين قال حتى في العبادات سأبي هذا قال وهو ما عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ça c'est قول la plupart des savants et parmi eux les quatre imams الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع Il a cité des amthila, Cheikh Ibn Baz, ala hada. Il a cité des exemples. Et au fur et à mesure, ça viendra les exemples. Nahnu al-an, on prend mas'ala par mas'ala. Qala, après avoir cité les exemples, qala, wa idha akhta'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ta'ammal. Si an-nabi, il se trompe. Fa al-qawm al-an, s'ils ont du adl, limada, il ne parle pas sur Cheikh Ibn Baz. Il est en train de dire wa idha akhta'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. شيخنا حفظه الله قال قال وما كان مخطئا نفس الكلام وما كان مخطئا أي si une erreur allait arriver قال الشيخ بن باز وإذا أخطأ النبي et si النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم لماذا deux poids mille mesures لماذا قال وإذا أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر على ذلك تأمل et si ce ijtihad qu'il a cité Cheikh Ibn Baz c'est la parole de la plupart des savants l'ijtihad ça implique quoi que le Nabi Sassim peut faire une chose il est appuyé par le wahi, il avait raison Tayyip. Il peut faire une chose, il s'est trompé al-wahi, il lui montre son erreur et il la délaisse ça montre bien que al-khata qad yaqa exactement le kalam qu'il a dit Cheikh Havidahullah qala wa idha akhta al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yuqar ala dhalik abadan Si il a fait une erreur alayhi sallam, al-wahi mubashara il descend. Et cette erreur elle est corrigée. C'est pas un ta'am fi nabi sallam, abadan. Bel, al-haqiqa si tu médites, ça montre sa place عند Allah azza wa jalla. C'est un être humain. Il peut se tromper, il peut oublier. Lakin, la place qu'il a عند Allah est le rang élevé, annahu il ne peut pas rester sur une faute. Contrairement aux autres êtres humains. Et c'est ça la différence. لم يقر على ذلك ونزل عليه الوحي لبيان الصواب si le wahi descend pour montrer le sawab c'est qu'il y avait un khata si le wahi descend pour montrer une chose juste c'est qu'il y avait une erreur قال كما حصل منه صلى الله عليه وسلم في أخذ الفداء من أسرى أحد premier exemple on en a cité quelques-uns نعم ce qui s'est passé مع أسرى أحد قال les exemples, on ne les détaille pas, ça serait trop long. Laquelle on essaye de une ishara, hatta yufham, et on avance. Al-Qas, c'est de comprendre ce masala. Amma, c'est détail, fi Asra, Uhud. Asra, c'est les personnes qu'ils ont capturées, min al-Kuffar, min Uhud. Est-ce qu'on les tue? Est-ce qu'on les laisse vivants? Enfin, tout ça, on ne détaillera pas. Qal wa fi istighfar li ammi Abi Talib. Ça, c'est un exemple واضح. Abu Talib, il est mort. Ala al-Kufr, il n'a pas voulu dire la ilaha illallah. Al-Nabi sallam, il a fait un ijtihad. Tant que le wahi, tant qu'Allah ne m'interdit pas, tout m'a inversé les descendants. Ça ne fait aucun mal au prophète alayhi sallam. Salam. Abadan. Qala wa li ba'd al-munafiqin wa salatu ala ba'dihim. Kadhalik. Ta'lamun anna ra's al-munafiqin Ibn Abi Salul, quand il est mort, son fils est venu voir le prophète alayhi sallam. Salam. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de que le linceul de ce munafiq, le père du fils d'Ibn Ubay ibn Abi Salul, que ça soit le qamis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit naam. Pour faire plaisir à son fils. Amma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait que son père il est mort à l'anifaq, c'est un kaf. Tomma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat sur lui. Tomma inversé, il descend. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'interdit an dhalik. Il l'interdit de faire salat sur une personne qui est mort à l'al-kufr. Hada, ijtihad, tout m'a versé des sommes au bachar. Affiché, c'est exactement la parole de Shir. Qal Shir, wa ma kana mukhti'an fi dhalik, yanzil al-wahi, fi asra' waqt fi bayan dhalik al-ghalat. Allez où la différence entre Kalam Shir ibn Baz et Kalam Shir al-Am? Bel, allez où la différence entre Kalam Shir, hafidhahullah, et Kalam Ammat Ahl al-Ilm? Qal. ولبعض المنافقين والصلاة على بعضهم انتهى كلام شيخ بن باز من مجلة البحوث الإسلامية وقال الشيخ العثيمين وكونتينيو ا ديتايي هذه المسألة المهمة قال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتكلمون بوحي الله سبحانه وتعالى هذا الأصل أن الأنبياء والرسل يتكلمون بالوحي أي لا révélation elle descend sur eux وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال وهم معصومون من كل خطأ يخلوا بصدقهم une erreur يعني qui peut مثلا faire du mal à leur message أبدا هذه ça peut pas arriver ils sont معصوم ils sont infaillibles de ce côté قال وأما قال أما ما نتدع عن اجتهاد منهم أو ما نتدع عن اجتهاد منهم فإنهم قد يخطئون فيه كلام شيخ ابن تيمية الوحي أبدا يفون كونتخدير الوحي أبدا أما الاجتهاد les exemples qu'il a donné شيخ بن باز مثلا avec son oncle أبو طالب avec le منافق فهذا قال شيخ ابن تيمية عن اجتهاد قال فإنهم قد يخطئون فيه ils peuvent se tromper في هذا قال شيخنا يحيى وما كان مخطئا في ذلك ينزل الوحي في أسرع وقت c'est le même كلام قال فإن نوحا un autre exemple c'est un exemple طيب لأن شيخ ابن عثيمين va citer un autre نبي قال فإن نوحا عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن ينجم له اجتهد منه عليه الصلاة والسلام quand Allah سبحانه وتعالى il a annoncé à نوح qui va tous les noyer, Nuh il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, préserve mon enfant. Son enfant c'est un kafir. Qala, fa qala Allah ta'ala, fa la tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Ijtihad, il s'est trompé alayhi salatu wa salam, Mubashara a inversé les descendus. Mubashara la révélation est descendue sur Nuh. Et nahnu l'an, on lit ce verset. Qala, ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما أحل الله له اجتهادا منه un autre exemple notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم قال شيخ ابن عثيمين حرم ما أحل الله له اجتهادا منه إلى فان اجتهاد عليه الصلاة والسلام فقال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم verset les descendus مباشرة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك لماذا تتعتقدين الشوز que Allah t'autorise اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى مباشرة إذا سن un verset النبي صلى الله عليه وسلم il délaisse cette chose et il suit الوحي قال قال لكنهم معصومون من الإقرار على الخطأ يعني لو حصل منهم خطأ Ça, il faut bien le comprendre. Même si une erreur est arrivée à un prophète parmi les prophètes, il ne peut pas continuer à la faire. Abadan. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend la révélation et ce nabi délaisse cette erreur. قال لو حصل منهم خطأ في اجتهاد اجتهدوا فإن الله تعالى لابد يعصمهم من الاستمرار فيه. Et elle est là l'infaillibilité. L'infaillibilité, elle n'est pas dans l'erreur, la petite erreur, le petit péché. L'infaillibilité, elle est dans continuer à la faire. Et Bardanas, ils ont mélangé. Et ils ont jugé des gens qui ont dit ce que l'aime, Bidzalen. قال لابد أن يعصمهم من الاستمرار فيه بخلاف غيرهم فإنهم لا يعصمون من ذلك. أما nous, toutes les personnes qui sont venues après les prophètes, après les messagers, toutes les personnes qui ne sont pas des prophètes, on n'est pas infaillibles, ni des grands péchés, ni des petits, ni de faire beaucoup de péchés. Maintenant, on ne fait pas de tawbah, sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas préservé de hada. Ça, c'est un rang pour l'anbiya, pour les prophètes et les messagers. كلام شيخ ابن عثيمين من فتاوى النور على الدرب المجلد الثالث صفحة 389 volume 3 نور على الدرب أظن اللي موجود في المكتبة قال نعم انتهينا كلام شيخ ابن عثيمين فخلاصة المسألة الآن t'as compris كلام الشيخ t'as compris deux choses أن الأنبياء ne sont pas معصومين من صغائر الذنوب S'ils font une petite erreur, Allah il descend la révélation et il la délaisse. Kadhalik, tu sais, anna al-anbiya yajtahidun fi ba'd al-umur. S'ils ont raison, si c'est sawab, fa al-wahi il appuie dhalik. S'ils se sont trompés, al-wahi descend et il corrige cette erreur. Fa ala hadha, kalam al-shaykh, hafidhahullah, ya aucun ishkal. Ya aucun ishkal. Abadan. Bal. On a trouvé un kalam de l'imam al-Albani, rahimahullah, il cite exactement l'exemple de Shir. Abasa wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma. Alamoun al-qissa. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était avec des gens de Quraysh, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il espérait que ces gens, ils obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils suivent son message. Fa, un aveugle il est venu. Abasa wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma. Cet aveugle il est venu. Fa, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il espérait que ces kuffars de Quraysh, ils écoutent son message. Et il voulait que l'aveugle, il passe plus tard, il revienne plus tard. Et je m'occupe de Haoula, tomba de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu le verset. Ijtihad min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Qala azza wa jal. On lit min kalam al-shaykh, c'est exactement le métal qu'il a donné al-shaykh. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Hada itab. Allah subhanahu wa ta'ala il montre au prophète wa ma yudrik. Rubbama, cet aveugle, il va écouter ton message et les autres ils vont jamais t'écouter. Qal aw yadhakkar fa tanfa'uhu al-dhikra. Hada, c'est ça l'exemple qu'il a donné al-shaykh. Qal al-shaykh al-albani, l'an on lit kalam al-shaykh al-albani. Qal idhan. Il a cité beaucoup de kalam via des mas'ala. Nous, on cite le shahid. Qala idhan, idha ja'a mitl qawlihi ta'ala abasa wa tawalla. Le même exemple qu'il a cité le shir. Qala idhan, hadha mithalun waqi'i. Kayfa naqul anna al-rasul sallam la yajtahid. Cheikh al-Albani, l'an il répond. Il dit l'an, on a un exemple concret, waqi'i, qui s'est passé à l'époque du prophète sallam. Et on a la révélation qu'elle nous montre que cet ijtihad, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a corrigé avec ce verset. Cheikh al-Albani, l'an, il dit, comment on va prétendre à le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas d'ijtihad. Et ce ijtihad, il peut être haq, et ça peut être une erreur. L'an, on a le verset. قال الشيخ الألباني هذا ها هو قد اجتهد الشيخ الألباني دي ميديت على الفرسي الآن تا une preuve claire que le Nabi صلى الله عليه وسلم اجتهد قال لكنه لم يقر نعم il a fait un اجتهاد لكن الله سبحانه وتعالى il a montré أن ce اجتهاد يعني il était مخالف للصواب قال الشيخ الألباني لكنه لم يقر لأن ça serait un اجتهاد qui en concordance avec le wahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aura appuyé avec un verset. Lakin al-an, Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu ce verset. Ça montre que al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa sallam. Qala, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a corrigé ce ijtihad. L'am الأمر في الحقيقة واضح. الآن si tu viens, si on vient méditer sur la reproche qu'ils ont fait à Cheikh حفظه الله, أي pour eux النبي صلى الله عليه وسلم il se trompe pas مطلقا, il ne fait pas du shihad. الآن comment on fait avec ce verset? النبي صلى الله عليه وسلم il a une position. Allah سبحانه وتعالى يقول وما يدريك لعله يزكى. Robama, tu sais pas, Robama il va suivre ton message. Enfin, qui sait que son qawl il est le plus proche de l'aqidat avec sunnah. Pour, nous c'est ça pour al-mansif, celui qui veut le haq. Amma al-muqallid al-muta'assib, Wallahi tu peux le citer, madrikam min al-adillah. Il a une position, il la gardera. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-shaykh al-albani, fa hadha idha ijtahada fa akhta'a la yuqar. هذا إلى وضح قال شغل الألباني فهذا إذا اجتهد فأخطأ لا يقر أي لا سيتي لو فيرسي أوباغافون أي سي سي تروبي دون سو اجتهاد الله سبحانه وتعالى إل لو كوريج لا يقر أي أون ليكزومبل عبس وتولى قال ينبه بماذا بطريقة الوحي سي كوا كي فا انفورمي النبي صلى الله عليه وسلم كو الاجتهاد يعني إي فا إت كوريجي C'est Al-Wahi, un verset descend. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est ma'soum. Il ne peut pas contredire. Abadan. Le verset descend, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le suit. C'est ça le haqq, yadil mas'ala. Fa'qal le Cheikh l'Albani, ba'd hadha, qal Amma al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fa ma'soum min an yuqar ala khatar. Il ne peut pas être appuyé par son khatar. Abadan. Il fait un khatar et il continue. Abadan. Mubashara Al-Wahi descend. ففي الحقيقة كلام شغل الألباني قبل ذلك سلسلة الهدى والنور لا كاسيت نيميرو 306 ذكر هذاك الشغل الألباني. الآن الكلام اللي واضح, كلام اللي واضح celui qui veut le haq. أما بعض الناس et c'est التنبيه الأول, on va faire trois تنبيه avant de conclure cette مسألة. الكذاب الأفاك عرفات البصير عليه من الله ما يستحق celui qui a rassemblé ses accusations, ce qu'il a appelé الرد الفوري. الرد الفوري un an pour le sortir, 8 mois et des années après les erreurs de Shia. Le titre est un talbis, الرد الفوري. الفور ça veut dire tout de suite, s'il y a une erreur on doit répondre tout de suite. Il a appelé son الرد الرد الفوري. Cette erreur qui prétend que Shia Yahya l'appelle date de 10 ans. Et il a fait son rod favori en 2012, en 2011. C'est du talbiz. C'est le kذاب. Il a cité Kalam Cheikh Ibn Baz qui a dit la mas'ala et il a coupé avant et après. Et si tu lis Kalam Cheikh Ibn Baz, tu as l'impression qu'il n'accepte pas ce qawl. Qal. Il a cité Kalam Cheikh Ibn Baz, Qal Cheikh Ibn Baz, qawl man qal anna nabi sallallahu alayhi wa sallam yukhti, fa hada qawl batil. Hakada. Alors, tu comprends quoi, Anta? Al-Nashir ibn Baz, il ne fait pas de différence comme on a fait, nous, avec Kalam Cheikh Al-Albani, Kalam Cheikh Ibn Taymiyyah, bel Kalam Cheikh Ibn Baz lui-même. Tu verras que ce Kalam, il l'a coupé. Il a enlevé le début, il a enlevé la fin, il t'a cité qu'une partie. Anta, si tu lis, tu as l'impression que Cheikh Ibn Baz, il est d'accord avec Hada Al-Munharif. On lit le Kalam entier, Al-An. Ta'ammal, Kalam Cheikh Ibn Baz, qu'il a cité Arafat, Al-Kadhab. قال الشيخ بن باز وقد ذهب جمهور أهل العلم on a pris le kalam de Arafat de la même source pour voir les coupures qu'il a fait. قال الشيخ بن باز وقد ذهب جمهور أهل العلم أيضا إلى أنه معصوم من الصغائر الكبائر دون الصغائر. الشيخ بن باز يتمنى أن إلى معصوم من الكبائر بعد الصغائر. قال وقد وقع منه الصغيرة وقد تقع منه الصغيرة. الشيخ بن باز يلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم il peut se tromper, faire un petit péché. قال لكن لا يقر عليها. هذا الآن شغل بازي بخزيز لكن الوحي يبقى يعني نبقى منتخي ستغور أبدا. قال بل ينبع عليها فيتركها. الوحي دي صلى النبي صلى الله عليه وسلم يدلس شوي. قال أما من أمور الدنيا فقد يقع لخطأ ثم ينبع على ذلك. نعم أمور الدنيا واضح, قصة تأبير النخل معروفة. وقال أما وقال أما يخبر به النبي أما ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أو إما يخبر به قال إما يخبر به الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى فإنهم معصومون من ذلك. فنقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ فهذا قول باطل ولا بد من التفصيل كما ذكرنا. تفو التلبيس شيخ ابن باز يقول celui qui dit anna nabi sallallahu alayhi wa sallam yukhti sa qawl batil thumma yidi wa la bud min at tafsil lakin oublie pas le tafsil qu'on a fait avant ay kaba'ir sagha'ir din dunya est-ce qu'il va continuer à le faire amla tout ça le tafsil qu'on a fait al kadhab il a pris cette parole et il dit regardez Cheikh Ibn Baz yaqul هذا ça montre anna an nush c'est pas lillah an nush pour lui il cherche le kalam ahl al ilm il faut que je trouve un kalam qui contredit al-hajuri wa yarjum ثم أسود أهل السنة يردون عليه. Et t'entends plus parler de lui. أبدا. إلا des insultes, des accusations باطلة. هذا. Et الموعد الله سبحانه وتعالى. Et on continue. Le prochain درس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.